C'est bon là ? Ok. Galaxy Pop. Peut-être pas les premiers sur la pop culture, mais. Bah, mais rien en fait. Pas les deuxièmes ? Non. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Dimanche. Alors, on reprend un petit peu les classiques où on n'est plus vraiment en direct, voire plus du tout en direct, il faut bien le reconnaître. Mais néanmoins, on est là et pour au moins 10 minutes, tous ensemble. Le menu de ce soir, en entrée, nous aurons donc Texas Ranger. Vous vous doutez bien de quoi ça parle, je vais pas vous faire l'affront de faire le résumé. Ensuite, Le Corbeau va nous parler d'Hostel, film qui a lancé la vague du torture porn crapoteux. Par un réalisateur qui est, dirons-nous, une personne à chier. Ensuite, on enchaînera avec Bones, qui a été une chouette découverte d'horreur également, mais bizarrement chapeautée aussi par un personnage peut-être un petit peu discutable, surtout ces derniers temps. Et enfin, on terminera au dessert par Tandem. Bref, plongeons-nous tout de suite dans Texas Ranger. Et soyons parfaitement honnêtes, j'ai suivi ce DTV du coin de l'œil. En vrai, c'est le pilote de la série Walker Texas Ranger. Ceci explique le format 4 tiers, le rythme télévisuel et les coupures pub déjà prévues. Et probablement aussi la jaquette DVD crado avec la magnifique tagline « La justice, c'est lui !» Ça me rappelle fortement quelqu'un. Un nanar de compète avec par exemple Sly et « La loi, c'est moi » Je vous voyais sans doute de quoi je parle. Bref, quoi de beau sous le soleil de la Canon, si elle est bien à l'origine de ce pilote, comme nous l'indique la jaquette de ce DVD Prism, pas toujours très très honnête. En ce qui concerne le film, avec de grosses guillemets, c'est ni plus ni moins qu'un double épisode de la série. Peut-être un peu moins fainéant que la moyenne, Chuck doit faire ses preuves et poser les bases de cet univers. Au niveau du pitch, c'est molle shit. Walker est sur la piste d'une bande de vilains braqueurs de banque, c'est là aussi qu'il rencontre son acolyte Tripette, et c'est le début d'une longue histoire qui flirte beaucoup avec le racisme décomplexé. La VF est molle à souhait, et l'espace d'une heure et demie, j'étais redevenu un gamin le dimanche midi devant son poulet patate avec les parents. Et en ces jours très particuliers pour moi, bizarrement, ça représente quand même une grosse charge émotionnelle. Étonnant comment certains trucs, même mal gaulés et dénués de tout intérêt, peuvent être dépositaires d'autant d'émotions, d'autant de souvenirs, juste parce qu'ils nous rappellent une époque où notre seul souci, c'était d'avoir du rap de patate. Ou de savoir s'il y avait de la mousse au chocolat pour le dessert. Je laisse maintenant la parole au Corbeau pour vous parler d'Hostel. Trois jeunes hommes visitent les Pays-Bas pour boire et forniquer. Conseillés par Alex, un Slovaque, ils décident de se rendre en Slovaquie, où tout serait plus facile. Malheureusement, les filles rencontrées sont les complices de l'Elite Hunting, un groupe de maboules qui offre à de riches clients la possibilité de torturer et de tuer des kidams enlevés. Bref, c'est la merde. Alors c'est classé comme de l'horreur, mais c'est plutôt du torture porn, et pas le meilleur. À part un certain dégoût pour le côté gore craspect, peu de chances que vous rencontriez un soupçon de peur. C'est juste crade et malsain. Le réalisateur représente la Slovaquie comme le pire trouara d'Europe, entre les filles faciles, les villes pourries, les tarés désœuvrés, c'est un festival. Une sorte de Emily in Paris, mais dans le pire. Les trois acteurs principaux ne sont pas vraiment sympathiques, voire pourraient être qualifiés de connards, beaufs et lourdingues. Impossible de vraiment s'attacher à eux. Il y a d'ailleurs Jay Hernandez, vous savez, le nouveau Magnum Wish, qui déjà à l'époque avait un charisme de gras de jambon laissé au bord de l'assiette. Bref, derrière cette image de film trash, une mauvaise série B, roublarde et mal foutue. L'ensemble de la série des sauts est moins putassière, c'est dire. À noter l'existence d'un director's cut avec une fin un petit peu plus malsaine et crapoteuse. Eh oui, quelle surprise, Eli Roth fait des films de merde et a toujours fait des films de merde en plus d'être une personne absolument débectable. C'est un sale type qui fait des sales films, qu'est-ce que vous voulez dire de plus ? À la limite, en termes de filmographie, la dernière fois que j'ai regardé un de ses films, c'était Thanksgiving. C'était à peine passable. Et honnêtement, le mec est tellement une grosse crevure, ça me coûte pas bien cher de pas regarder ses merdes. Voilà, bon ça c'est dit, j'aime pas beaucoup Eli Roth, ni comme acteur, ni comme réalisateur. C'est quand même un gros tas de merde. Bon, je pense que je l'ai dit suffisamment pour qu'on comprenne bien que je ne l'aime pas. Allez, passons maintenant à Bones, avec quelqu'un pour qui j'avais un petit peu plus de... Oh, pas d'admiration, mais j'étais un peu plus... Il avait une image plus sympathique pour moi. Donc, Bones, qui me faisait de l'œil depuis sa sortie en 2002, Et avant que j'oublie de le dire, l'ami Esmodé en a fait une excellente vidéo. Vous devriez foncer la voir. Si je suis pas trop bête, je vous la mettrai en lien dans les commentaires. Bref, revenons à nos clébards. Bones nous conte donc les mésaventures d'une bande de jeunes qui achètent une vieille maison maudite. L'ancien proprio, incarné donc par Snoop Dogg, a été buté, mais il reste son esprit revanchard et maléfique dans les murs. Bon, malgré quelques effets datés et un lore trop dense pour une heure et demie, c'est quand même du très bon. Je sais que grâce à l'ami Doumé, mes attentes vis-à-vis des films avec Snoop Dogg sont assez basses, mais même en prenant cette donnée en compte, et ben ce Bones est plutôt un bon film. Il cite intelligemment ses aînés, Les Griffes de la Nuit, Dracula, La Nuit de tous les mystères, entiercé de tête. Le scénario est un peu trop tordu pour son propre bien, mais le boogeyman ainsi créé est rapidement iconique. Empruntant ses attributs surnaturels autant au vampire classique qu'à Freddy Krueger, le tout avec une vraie identité, est porté par un Snoop Dogg instantanément iconique. La maison qui porte la malédiction est elle aussi assez marquante, son design est menaçant et elle suinte le mal. Enfin, sans E à la fin, le mal quoi. Bien sûr, tout n'est pas idyllique, à commencer par le cast hors Snoop Dogg, qui est soit trop soit complètement amorphe, et leurs dialogues sont souvent complètement cons, mais on est dans les standards des films d'horreur de l'époque. La partie post-résurrection de Bones est aussi bien moins efficace que l'avant, perdant en puissance d'évocation ce que le Dogg gagne en temps d'écran. Le réal étant clairement plus à l'aise dans la suggestion que dans la démonstration. Mais pas de quoi bouder son plaisir devant une série B bien menée et bien inspirée, un vrai bon moment de ciné ultra référentiel. C'est juste un petit peu dommage que ce soit porté par quelqu'un qui a des paroles plutôt... Ah, on dirait qu'il retourne sa veste le père Snoop Dogg quand même, hein. On dirait qu'il tente de lécher un petit peu le cul de son copain Trump. Et ça me déçoit beaucoup. Mais bon, ça n'engage que moi, et après tout, si vous aimez Snoop Dogg, grand bien vous fasse, mais moi, il m'a déçu. C'est un petit peu le Jack Black du rap, en quelque sorte. Et c'est sur cette belle parole que je vais laisser justement la parole au Corbeau pour qu'il nous parle de Tandem. Michel Mortez, Jean Rochefort, est un animateur radio qui passe de ville en ville pour animer son émission La Langue au Chat. Accompagné de Rifto, Gérard Jugnot avec une perruque, son technicien, il fait ce métier depuis plus de 25 ans. Malheureusement, la radio décide d'annuler son émission. Rifto va lui cacher la vérité et tenter de continuer quelque temps leur périple sur les routes. Ce film français de Patrick Lecomte est très attachant. D'abord pour Jean Rochefort, qui oscille entre star capricieuse et ringard dépassé, homme vieillissant, ivre de sa notoriété, de son moment, engoncé dans ses habitudes, mais aussi menteur, triste et joueur compulsif. Rochefort nous fait du Rochefort, mais il le fait bien, accompagné de Gérard Jugnot, qui épaule un homme qu'il admire, mais qu'il doit aussi contenir et protéger de son employeur, mais surtout de lui-même. C'est une belle histoire d'amitié, une France provinciale qui a ses rites et ses héros, que Paris trouve un peu dépassés, mais qui leur offre un moment de lumière, deux solitudes qui se soutiennent et repartent encore et encore sur les routes. C'est touchant et triste, c'est à voir. Et ben voilà, quand il veut pépère, il râle pas, il a regardé un très bon film français, il nous l'a conseillé, et je dois avouer qu'il m'a même donné envie d'aller le découvrir. Le duo Jean Rochefort et Gérard Jugnot me plaît bien. Et bien, sur ces bonnes paroles, je vais vous dire à la semaine prochaine. N'oubliez pas, maintenant qu'on a repris le rythme, on sera là toutes les semaines, on sera là dans la Gazette de Galaxy Pop, et on sera également là sur le flux indépendant. Quand il y a un live, on va essayer d'en faire plus souvent avec le Corbeau, peut-être tous les trimestres ou ce genre de choses. Le live sera systématiquement le samedi sur le flux indépendant des deux branques. Et il arrivera bien sûr sur le flux nouveauté de Galaxy Pop le dimanche matin. Voilà, et bien je vous souhaite à tous une bonne semaine. Salut à tous! Petite âme curieuse, venez donc vous asseoir près du feu. Il ne réchauffe pas, mais il se consume doucement. Ici, dans les profondeurs de Galaxy Pop, je suis votre hôte. On m'appelle la Crippe. Et chaque mois, je vous sers un petit festin sonore. Une histoire courte, une creepypasta, mijotée à l'ombre, narrée avec amour